Bon, évidemment, entre-temps, le repas est passé, mais bon. Comme il en faut toujours un pour commencer, une question pour Yann Sambuy, qui est en fait une question pour Jacqueline. Tu vas pas répondre. C'est pas toi qui vas répondre, ouais. Plusieurs fois, on a mis comme origine des banquets les banquets de 48. Et je me demandais, évidemment, hein, c'est indéniable, je me demandais si derrière, il n'y avait pas aussi, comme genèse du phénomène et de cette sociabilité dans l'imaginaire politique, s'il n'y avait pas les premiers banquets de la libre pensée, s'il n'y avait pas les premiers banquets francs-maçons de juste avant la Révolution française. Moi, les banquets de libre pensée, je les connais essentiellement pour les années 1880. Pour ça, je dis vraiment l'origine de la franc-maçonnerie dans le fameux café. Alors là, je n'ai pas révisé, mais dans le fameux café près de la rue de Bussy, avec la grille, etc. Donc, il y avait comme ça toute une espèce de cérémonial. Et j'ai l'impression, quand même, à avoir survolé ça pour mon bouquin, j'ai l'impression que. Il y a eu une volonté dans ces banquets de 48 de revenir à un imaginaire. Des banquets de 48 ou des banquets de 47? Ah bon, alors là, tu... Parce que oui, mais c'est moi, pas moi, je parlais de 47, moi. Salaud. 47, c'est la campagne. La fameuse voilà, c'est ça, c'est la campagne des banquets. Et sous la Seconde République... Non, je parlais des banquets de 47. J'avais toujours, dans cette campagne des banquets, j'ai toujours eu l'impression qu'on essayait de revenir à un imaginaire... qui était un imaginaire hanté 93, et donc quelque chose qui avait été quand même largement inspiré par cette espèce de mythe selon lequel on allait parler des idées autour d'une sociabilité libatoire, un petit peu de l'entre-soi, qu'il allait y avoir une genèse intellectuelle du politique par cet échange-là, quoi. Écoute-moi, les banquets de 47, je les connais surtout comme un moyen de détourner le droit, la loi sur le droit de... C'est indéniable. Alors, je n'ai pas le souvenir, j'ai un peu travaillé sur les banquets de 47, j'ai pas le souvenir. Alors, dans ces banquets-là, il est bien question de la Grande Révolution, mais je ne trouve pas de renvoi explicite à des banquets qui se seraient déroulés, mais je peux avoir raté le coche. Non, mais... Alors moi, ce que je peux te dire dans ce que j'ai consulté pour préparer, mais c'était il y a longtemps, donc je ne sais pas exactement de quel article c'était, mais j'ai trouvé dans un article le fait que, en fait, les banquets de la campagne de banquets de 47 reprenaient notamment le fait d'organiser un banquet autour d'une personnalité avec une souscription, un comité d'organisation, etc., de banquets libéraux des années 1820. Et donc voilà, et que la coutume était reprise, mais passait complètement aux républicains, en fait, c'est-à-dire que les libéraux arrêtaient de pratiquer ça. Je vais te retrouver ça. Et en 1820, c'était déjà une façon de contourner le droit, au passage. Mais en tout cas, voilà, je vais te retrouver ça parce que j'ai tous les articles dans mon ordinateur, donc je vais faire une recherche et je vais te retrouver. Mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé que c'était la source, enfin, l'origine de ces banquets avec souscription autour d'une personnalité politique, c'était les banquets libéraux des années 1820. Il y a quelqu'un qui pourrait répondre à ta question pour les banquets maçonniques avant la Révolution, c'est Alain Le Bihan, je pense. Alain Le Bihan qui a travaillé sur les loges maçonniques à la fin du. En même temps, c'est de vous écouter qui faisait que je me posais la question. Oui, donc est-ce qu'il a travaillé sur. Il a travaillé sur les loges avant la Révolution, mais j'étais pas attentive aux banquets quand j'ai lu son livre, donc j'ai pu les rater sans faire attention. D'autres questions? J'ai resté sur le banquet, sur le beau graphique de Yann, sur le déclin, en fait, ou pas quand même le déclin. Et ma question, c'était, est-ce qu'on peut considérer que finalement, même dans l'entre-deux-guerres, les grands banquets, ces grands banquets, on va dire, unanimistes de rassemblement du mouvement républicain ont tendance à disparaître, que d'autres types de banquets plus thématiques, par association, par parti demeurent. Et est-ce qu'on retrouve ces grands banquets unitaires de plus de 1000, 1500 personnes? Moi, j'avais le sentiment, comme ça, de très loin, hein, que non, que c'était une forme quand même qui est très associée au combat de la République, Voilà, et qu'une fois que la République est en majesté, le banquet se reconfigure sur des formes plus partisanes et moins unanimistes. Mais c'est une hypothèse. Je suis sûr que les deux Gilles vont peut-être avoir des pistes de réponse. Moi, je sais qu'à Lyon, en tout cas, ça n'existe plus pour la bonne raison que les gauches ne s'entendent pas. Et donc, c'est pas possible. Et ce qui ressemblerait le plus, on en parlait tout à l'heure, c'était les machons dans les cercles boulistes, par exemple. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je ne sais plus si c'est l'élection législative de 24 ou municipale de 25. Cariou va fêter dans un grand machon, dans un cercle bouliste avec plusieurs centaines de personnes, mais il n'y a pas d'informations sur le nombre précis. Mais en tout cas, moi, dans ma thèse, en fait, je n'ai pas trouvé de grand banquet, en tout cas à Lyon, en dehors de cette avant-guerre. D'accord. Alors, Jacqueline, vous voulez répondre, et puis après, donc, je suis venu à une question, et qui d'autre? Oui, donc, pendant les deux autres questions, en suivant. Jacqueline. Je voudrais dire aussi quelque chose pour bien. Moi, j'ai le pour répondre à la question. J'ai le souvenir d'un très grand banquet organisé à Dijon avec plusieurs centaines de convives, mais des centaines, me semble-t-il, quand Sadi Carnot, non, pas Sadi Carnot, puisque c'était en 99, donc c'est Loubet, je ne me trompe pas, qui vient à Dijon justement pour l'inauguration du monument à Sadi Carnot, pour une inauguration de la Bourse de commerce et pour le je ne sais pas combien congrès des associations de gymnastique de France. Et il y a des centaines et des centaines. Et on reste là dans l'âge d'or, quoi. On reste oui, avant 14. On reste, oui, oui. Mais la question, c'est de l'après 14, en fait. Et alors, ce que je voulais dire pour Yann, pour faire une opposition. Enfin, je t'en avais pas, je vous en ai parlé en particulier, à l'inverse du banquet aux gagneurs, où on a moitié moins de convives qu'on attend, je voulais citer, je crois que c'est au moment de l'inauguration de la statue de Vercingétorix, le grand monument de Bartholdi, à Clermont-Ferrand en 1903, il y a un grand banquet qui est organisé dans un lieu dit des Gravenches. On commande, on confie ça à un traiteur, on commande, mettons, pour 500 personnes, et il y en a 1000 qui viennent. Et là, c'est épouvantable, parce que les invités se battent, littéralement se battent, autour d'une aile de poulet ou d'un petit pain. Il y a des récits hilarants sur ce banquet des Gravenches. D'accord. On va prendre les deux questions, madame et Gilles. Oui, donc Catherine Moulin. Moi, je reviens juste sur le banquet que tu as évoqué, Yann, de Jaurès en 1900, parce que là, finalement, on a un petit peu grandeur et décadence de gagneurs, parce que ce banquet, donc, du 11 novembre 1900, est donc organisé dans le cadre de la fête du denier des écoles de la ville de Lyon. Bien sûr, au gagnant vient d'être élu. Et ce banquet, donc c'est bien sûr lui qui est à l'origine de cette fête et du banquet, et notamment Jaurès rend hommage à l'élection en mai d'au gagnant. Et se félicite d'ailleurs que désormais il y a un vrai républicain, y compris enfin, Dreyfusard, alors que Gailleton, il reproche à Gailleton sa passivité, notamment. Donc là, c'est très intéressant parce que voilà, en 1900, au gagneur est finalement non seulement tête d'affiche, mais loué. Pas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Pierre de Cléris qui préside. Oui. Et Pierre de Cléris, c'est justement un de ces radicaux au gagneuristes qui est écarté par Herriot. En fait, c'est la première grande crise locale d'Herriot. C'est le comité de Cléris qui fait scission parce que de Cléris n'a pas eu un poste, n'a pas eu l'assurance par Herriot qu'il sera adjoint à la mairie centrale. Et donc il est très mécontent et il fait une liste dissidente. Il est élu tout seul sur sa liste dissidente, mais il n'est pas adjoint. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment grandeur et décadence de l'ogagnerisme, tout à fait. Ça, c'est 1908. Oui, moi, c'est très rapide. C'est juste une remarque par rapport à l'intervention de Yann. Je pense que ce n'est pas du tout contradictoire d'envisager qu'il y a un déclin des banquets dans les métropoles comme Lyon. Et en revanche, une vivacité, même une progression du nombre de banquets dans les campagnes. Parce que moi, ce que j'ai observé dans le DIOA de Léon Archimbaud, c'est que le maximum d'intensité, c'est dans la période 18-39. Il y en a moins avant 1914 pour ce secteur-là, et il y en a beaucoup moins, je l'ai suggéré hier, après 1950. Et donc je pense qu'il y a des échelles qui sont différentes selon qu'on se situe dans une métropole, capitale nationale ou régionale, et dans des campagnes, au contraire, là, je pense que la sociabilité radicale ou républicaine radicale, de façon plus large, elle bat son plein vraiment entre les deux guerres. Mais ce n'est pas du tout incompatible avec le déclin de ce type de manifestations dans des villes comme Lyon, effectivement. Moi, j'ajouterais la sociabilité tout court, parce que les banquets, bien sûr, là, quand on cherche les républicains, on voit les républicains, Mais les banquets, c'est aussi les anciens combattants, les organisations municipales, les libres écoles, les libres penseurs, tout le monde banquette. Et je pense que dans les villes aussi, mais c'est sous des formes qui sont plus ces grandes messes collectives. Donc, dernière. Ça joue, non, mais c'est pour continuer, ça joue aussi peut-être sur le nombre de bistrots ou de cafés, parce que la communication sur Bordeaux ce matin nous a fait apparaître un différentiel de 100 cafés en moins dans le centre-ville, à un moment où le nombre numérique de cafés explose en France. Et donc on peut tout à fait imaginer que les effets de l'exode rural et de la révolution industrielle, je dirais, exportent l'osmanisation, en tout cas la tendance haussmannienne dans les métropoles régionales, et diminuent le nombre d'établissements tout en les notabilisant au centre-ville, et du coup aboutit à l'explosion numérique des établissements périphériques en banlieue, entre la ville et la campagne, etc. etc. Donc au départ, ce chiffre de 100 bistrots en moins m'a fait un peu tiquer, et j'ai réfléchi en écoutant notre interlocuteur, la personne qui communiquait, j'ai réfléchi que finalement c'était possiblement explicable de cette façon-là, et que peut-être donc du coup les établissements étaient d'un nombre un petit peu inférieur au moment où il y avait de plus en plus de cafés en périphérie. Merci pour ces questions. Je fais juste le commentaire sur la petite photo qu'on a revue ce matin. Enfin, c'est pas grave, c'est la couverture de la brochure où sont publiés les quatre discours. Et je voulais vous attirer votre attention sur l'esprit union sacrée, puisque vous avez là une Marianne en cheveux, bras nus et décolleté, et un banquet présidé par un chanoine. Voilà. Ah ouais. Voilà, on est quand même on a l'esprit large. Voilà. Merci. Alors... Eh ben, si vous voulez bien, on va entamer la session de l'après-midi. Bruno.